comment voulez-vous, il me nargue à travers mes cauchemars, il m'a roué de coups. J'essaie de le combattre, il m'en a coupé le souffle. Je compte pas baisser les bras, même si un jour j'échoue. Détrompe-toi, ceux qui parlent font partie de ceux qui écoutent. Bref, on se barre, ouais, je constate que trop de familles s'écroulent, c'est con ça. Mais t'as fait quoi quand t'as dit écoute tes comptes, parle tes potes, marre, t'es là, tu suis la troupe. J'avoue qu'on aime tous le même combat. Chez nous, c'est roule un stick cuve, un coup de fer, un cap accélère. Qu'on bombarde, se montra, les bons ça. J'ai plus quoi penser, donc je fonce gare. Les poches vite, mais les yeux foncent car je pense qu'à avancer. Je défonce ça que les concerts, je voulais qu'elle pleure, pédancé. Puis je suis attiré par le vice, comme cet alcoolique au comptoir, ouais. Niveau finance, mec, je m'en sors pas entre nous. Tu veux te mettre bien, trouve un taf, c'est ta toi, frère, faut qu'on s'en sorte. Soit léger comme ma plume, fonce des charbures que de la pure, c'est dommage. À dire que sans elle, je mènerai pas cette vie de nomade. Je suis qu'un zonard, un gaba, flemmard et non incapable. Vise dans l'impensable, je voudrais être bien, mais ce putain de passe, elle me rattrape si je pourrais être loin, mais impossible, passer la douane, je dois rester calme. Mais comment voulez-vous, comment faire, dites-moi, je suis comme perdu, piégé seul dans un trou, ouais.